Là je saurai que j'ai gagné la course. Le combat de la dernière chance. À Jésus, notre roi, notre sauveur, je serai au milieu de la foule, vêtu d'une robe blanche. Je chanterai un cantique nouveau. Son nom sera sur mon front. Le nom de Jésus sera sur mon front. Je verrai mon Seigneur face à face. Je n'aurai plus de larmes aux yeux. Sa joie sera dans mon cœur. Ses louanges seront dans ma bouche. Il faut lutter, lutter chaque jour. Au milieu des pressions, travailler pendant le jour. Alors que vient la nuit? Alors que vient la nuit? Je verrai mon Seigneur